Bonjour mademoiselle. Bonjour. Je cherche un beau cadeau pour ma femme et moi. Eh bien, je vous propose deux formules carrées 4G de SFR. Ah mais vous me gâtez. Mais c'est pas fini. Avec vos deux forfaits 4G, on vous offre la box de SFR. Attendez, vous voulez dire que tous les mois je ne paierai plus mon abonnement à la box, mademoiselle? C'est ça, tant que vous gardez vos deux forfaits 4G. Ah oui mince, il faut que je reste avec ma femme. À Noël avec SFR, offrez plus que la 4G. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 22 décembre 2013, sous réserve d'éligibilité. Remise de 29,99€ par mois. Détails sur sfr.fr. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Pour le 23e mois consécutif, Europe 1 est la radio la plus téléchargée de France, ce qui nous réjouit tous, et spécialement Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. On me dit que les scores d'au cœur de l'histoire sont magnifiques. Vous n'aviez jamais encore autant téléchargé nos rendez-vous, ça fait vraiment très plaisir. Alors que vous dire, d'abord qu'il est possible, pour ceux qui ne le savent pas encore, d'écouter non seulement l'émission en intégrale, mais aussi le récit ou le retour aux origines, selon le temps dont vous disposez. Et puis, surtout et d'abord, un grand merci. Nous donnons dans le merveilleux aujourd'hui puisque le nouveau numéro du magazine Historia propose un dossier consacré aux contes de fées. Les contes, a priori destinés aux enfants, nous apprennent bien des choses sur les époques où ils sont nés. Il faut vous dire qu'ils jouaient un rôle important autrefois, notamment lors des veillées. Vous savez, à l'époque maudite où la radio n'existait pas encore, vous imaginez ça? J'ai demandé à Pierre Baron, directeur de la rédaction d'Historia, de nous rejoindre pour en parler. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous continuerez à revisiter les traditions de Noël. Oui, après le sapin, la crèche, les 13 desserts, la bûche, nous parlerons de l'échange des cadeaux. C'est une question de Philippe. Vous aurez noté, Céline, qu'il flotte aujourd'hui sur cette émission comme un parfum d'enfance. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Le chat botté, peau d'âne, le petit pousset, barbe bleue, la belle au bois dormant, Cendrillon, le petit chaperon rouge. Ces contes délicieusement cruels, à la fois fantastiques et pleins d'un réalisme merveilleux, font partie de notre imaginaire collectif, comme le disait Wendy Bouchard il y a un instant. Ils sont, c'est vrai, un morceau commun de notre enfance à tous. Il est vrai que les enfants adorent frissonner aux récits peuplés d'ogres et de fées. Ça n'a pas changé, ça. C'est assez étonnant de voir qu'on avance dans le temps. On est envahi par les tablettes numériques et autres objets dont je n'arrive même pas, moi, à comprendre l'usage. Mais les enfants continuent à adorer qu'on leur raconte l'histoire de la belle au bois dormant, qu'on leur parle des bottes de 7 lieues, des petits chaussons de verre, et qu'on leur dise la célèbre formule du petit chaperon rouge, tire la chevillette et la bobinette chérera. Ces contes sont au nombre des plus parfaits, des plus classiques jamais écrits. On peut les compter au nombre des créations impérissables du grand siècle. Et le nom de leur auteur, Charles Perrault, est mondialement connu. Le nom seulement. Car si vous réfléchissez 2 secondes, vous allez voir que pour le reste, on ne sait finalement pas grand-chose, on ne sait plus grand-chose de cet académicien, avocat, contrôleur des bâtiments, frère de l'architecte Claude Perrault, qui est l'auteur de la colonnade du Louvre, vous savez, qui a fait partie de la petite académie fondée par Colbert pour tresser des louanges à Louis XIV. Finalement, Charles Perrault est un peu passé par pertes et profits. Heureusement qu'il y a les contes, c'est par les contes qu'il survit dans nos esprits. Disons la vérité, on connaît peu sa vie. Pire, on connaît mal son œuvre, pourtant abondante en dehors des célèbres contes et du recueil de Ma mère loi. Or, c'est tout le paradoxe, on n'est même pas certain que les fameux contes, autant dire la seule chose à peu près qu'on ait retenu de ce monsieur, que les contes soient bien de lui. Alors là, j'en entends déjà qui se disent « ça y est, le revoilà, on sait que Molière n'a pas écrit ses pièces, et bien maintenant, Perrault n'a pas écrit ses contes ». C'est un peu plus subtil, c'est pas tout à fait ça, vous allez voir. Certains remettent en cause la paternité de Charles Perrault sur Cendrillon, le chat botté et autres jolies histoires. Mais alors, si ce n'est lui, qui serait-ce? Eh bien, son propre fils, répondent les spécialistes. Vous me direz, ça reste un Perrault, et même accessoirement, un Charles Perrault. C'est assez tard, en vérité, que Charles Perrault s'est mis à écrire ses contes. Il a eu toute une longue carrière avant cela, vous l'avez bien compris. Ensuite, lorsqu'il s'est mis à la retraite, il a commencé à publier des contes en vers. Je pense notamment à Chrysalidis, qui est le principal conte, qu'il va lire publiquement à l'Académie française en 1691. Perrault est non seulement un membre de l'Académie française, mais il en est un des membres, pas fondateurs, parce qu'il n'était pas là au début, mais l'un de ceux qui ont donné à l'Académie son statut et son régime actuel. J'y viendrai tout à l'heure, je reviendrai sur cet aspect. Donc, cette histoire de Chrysalidis n'est pas nouvelle, ça vient de Boccace, vous savez, de cet écrivain italien du XIVe siècle. C'est l'histoire de la marquise de Saluces, XIe siècle. Au départ, pauvre, elle est là pour garder les moutons, et elle va épouser l'un des plus riches seigneurs du Piémont, le marquis de Saluces. C'est vraiment l'histoire du prince et de la bergère. Il la soumet à de rudes épreuves, et on a, à travers ces épreuves, tout le récit, tout un conte initiatique. Ce conte de Perrault est publié séparément, avant d'être ensuite réimprimé avec Peau d'âne et avec Les souhaits ridicules, qui est un conte d'ailleurs très amusant qu'on a un peu oublié, en 1694. De même, l'histoire de Peau d'âne, puisque je viens de la citer, n'est pas nouvelle. C'est un vieux récit qu'on retrouve chez un certain nombre de grands auteurs du siècle classique. Bonaventure des Perriers, Scarron et Cyrano, même La Fontaine, même Ray, tous y ont fait d'une manière ou d'une autre allusion. Ce qu'il faut peut-être mettre en avant de chercher qui a bien pu écrire ces fameux contes et avant de départager entre le père et le fils qui pourrait être le véritable père de la Belle au bois dormant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est le style très particulier de ces contes, qui est assez différent du reste, assez distinct en tout cas, du conte habituel de Charles Perrault. Ils sont empruntés, ces contes, à la tradition populaire. Très souvent, vous savez, ce sont des récits de nourrice, tout simplement, un peu comme la musique classique du 19e siècle va aller chercher dans les ritournelles populaires un certain nombre de ses mélodies. De même, on va chercher des thèmes dans le folklore, dans le savoir populaire. Il y a tout un merveilleux, vous savez, c'était l'époque où on croyait aux fées qui habitaient les arbres, des forêts, où l'on croyait aux lutins, etc. Tous ces personnages qui font partie d'une sorte d'imaginaire naïf et populaire qui remonte évidemment très haut, sans doute très loin, peut-être même avant la chevalerie, dans un haut Moyen-Âge. Alors, d'ailleurs, je peux vous dire, si vous voulez, un extrait de Peau d'âne, après tout, pour vous montrer un peu le style particulier. Alors, c'est à la fois semi-versifié, et puis c'est surtout dans un style qui est, j'ai envie de dire, encore très enfantin. Votre père, il est vrai, voudrait vous épouser. Écouter sa folle demande serait une faute bien grande, mais sans le contredire, on le peut refuser. Dites-lui qu'il faut qu'il vous donne pour rendre vos désirs contents, avant qu'à son amour votre cœur s'abandonne, une robe qui soit à la couleur du temps. Malgré tout son pouvoir et toute sa richesse, quoique le ciel en tout favorise ses vœux, il ne pourra jamais accomplir sa promesse. Voilà le conseil que l'on donne à la jeune princesse. Et Perrault ajoute, aussitôt la jeune princesse l'alla dire en tremblant à son père amoureux, qui dans le moment fit entendre aux tailleurs les plus importants que s'il ne lui faisait, sans trop le faire attendre, une robe qui fût de la couleur du temps, il pouvait s'assurer qu'il les ferait tous pendre. Il y a toujours un peu cette menace, ce côté un peu cruel comme ça, bien entendu. Alors, vous connaissez l'histoire, en fait, pour gagner du temps, plus exactement, la princesse va demander une robe couleur de lune, couleur de soleil, etc. Elle finira avec sa fameuse peau d'âne. Bon, je ne veux pas vous raconter le conte, évidemment. Perrault va continuer d'écrire, et dans les recueils, ce qui est très important, et ça, que je sache, c'est quand même imprimé noir sur blanc, il n'utilise pas son propre nom pour signer. Que ce soit en 1695, sur une copie manuscrite des Contes de ma mère Loi adressée à la sœur de Philippe d'Orléans, du futur régent, qu'on appelait Mademoiselle, que ce soit sur un recueil extrêmement rare, qui comprend 5 contes en prose, La Belle au bois dormant, Le petit chaperon rouge, Barbe bleue, Le chat botté et Les fées, ce recueil ne sera publié sous le nom de l'auteur que plus tard. Dans un premier temps, il est publié sans nom d'auteur, Histoire ou conte du temps passé, ça s'appelle comme ça, en 1697. Et il sera ensuite augmenté de 3 nouveaux contes en prose, Cendrillon ou La petite pantoufle de verre, Riquet, Vert, V-A-I-R, hein, parce que évidemment on a traduit parfois V-E-2-R-E, ce qui fait que Walt Disney a imaginé cette pauvre Cendrillon chaussée dans des souliers de cristal, ce qui paraît extravagant. Riquet à la houppe et Le petit pousset, les 5 contes précédents vont subir toutes sortes de remaniements, ils vont changer au fil du temps et au fil des éditions, bien entendu, ça s'écrit pas, ça n'a pas été publié tel quel du jour au lendemain. Or, Charles Perrault ne signe pas ses ouvrages. Pire que cela, sur ces 2 recueils, des annotations semblent indiquer que ce n'est pas lui qui les a écrits. Sur le recueil de Mademoiselle, les contes sont précédés d'une lettre, si vous voulez, une épître dédicatoire à Mademoiselle, et signée P. d'Armancourt. Et il y a cette phrase, quand même assez étrange, « On ne trouvera pas étrange qu'un enfant ait pris plaisir à composer ce recueil. » Un enfant. Mais quel enfant? Eh bien, peut-être ce fameux P. d'Armancourt, Pierre d'Armancourt, qui n'est autre que le 3e fils de Charles Perrault. Il était né en 1670, c'est-à-dire qu'au moment de la rédaction, les premières parutions des contes, il a 15-16 ans. Et si, après tout, ce monsieur d'Armancourt avait été tout simplement un génie précoce? Le générique de Podane, un extrait de la bande originale de Podane, film de Jacques Demy, un film de 1970. La musique est composée par Michel Legrand. Franck Ferrand, 14h, 15h. Sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la magie des contes de Perrault. Et à l'interrogation qu'on peut avoir sur la paternité des 10 contes. Ce qui est quand même assez troublant, c'est que si vous regardez la contrefaçon d'un original qui était paru en même temps que la première édition française chez un libraire de La Haye, vous savez, Moetiens, à l'époque, on publiait beaucoup d'ouvrages à Amsterdam, à La Haye, enfin, hors de la zone d'influence française. C'était de l'édition dont on pourrait dire qu'elle était en quelque sorte clandestine. Si vous lisez le titre complet, il y a écrit « Par le fils de Monsieur Perrault de l'Académie française ». C'est quand même assez extraordinaire. Et Moetiens publie les contes de Perrault séparément dès 1694. Donc, probablement qu'il savait à qui il avait affaire quand même. Il savait qui était le véritable auteur. Par ailleurs, Mademoiselle l'héritier qui va publier des contes, qui sont ses propres contes à elle en 1696, c'est-à-dire un an avant le premier volume de Perrault, parle dans sa dédicace, elle fait une dédicace à Mademoiselle Perrault, justement la fille de Charles, des contes naïfs qu'un de ses jeunes élèves d'Armancourt a mis depuis peu sur le papier avec tant d'agrément. Les contes de Perrault donc étaient déjà connus, ils étaient déjà attribués à son fils à l'époque, tout simplement. Normal, disent les défenseurs du père, le fils n'a servi en fait que de prête-nom. Vous imaginez bien que cet académicien, proche de la cour, qui avait 68 ans et qui avait publié des ouvrages dans la langue la plus pure, puisque c'était souvent des odes dédicatoires à Louis XIV, etc., aurait eu des scrupules à publier sous son nom des ouvrages aussi futiles et empruntant des phrases entières à un parler encore vernaculaire, un peu populaire, si vous voulez. Et donc, il s'est abrité derrière son fils pour publier lui-même ses propres contes. Ben oui, sauf que ça n'est pas, là encore, aussi évident que ça. Celui qui prétend, l'universitaire qui est le plus convaincu de la paternité du véritable Charles Perrault, hein, de notre auteur sur les contes, qui s'appelle Walckner, nous dit que ça n'est de toute façon pas possible. Puisque Charles Perrault s'est arrangé pour que personne ne s'y trompe pas, son fils était au moment de la publication âgé tout au plus de 10 ans. Eh ben c'est faux, puisque le fils il était né en 1678, donc en 97 il avait 19 ans. Donc il faudrait que ce monsieur vérifie exactement les dates de naissance des personnages dont il parle. Moi je vais vous dire, ça n'engage que moi, c'est mon avis sur la question, mais il me semble que l'on peut élucider ce qui n'est pas véritablement un mystère. Il est très possible qu'effectivement le fils de Charles Perrault, ce Pierre d'Armancourt, Perrault d'Armancourt, dirons-nous. Il est très possible qu'il ait lui-même composé ses contes, qu'il soit allé chercher dans tout ce qu'il aimait, dans tout ce savoir des nourrices, etc., de quoi raconter des choses. Probablement son père lui en avait-il même lui-même fourni la trame à titre d'exercice d'écriture. Et puis au moment de publier, ben évidemment on publie les ouvrages sous le nom de Charles Perrault, en France en tout cas, parce qu'évidemment Charles Perrault est la personne célèbre et celui qui peut avoir accès à la librairie et à l'édition tout simplement. Donc il pourrait y avoir dans ses comptes une véritable collaboration entre le père et le fils, et plutôt que de se demander ce qui appartient à l'un ou à l'autre, je pense qu'il faut admettre qu'on a affaire, une fois de plus, et c'est souvent le cas dans la littérature, à une œuvre en quelque sorte collective, ou en tout cas, en l'occurrence, familiale. Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au conte de Perrault. Alors, est-ce que Charles Perrault est le seul auteur des contes? Vous avez compris, vous connaissez maintenant mon point de vue sur la question. Ce qui est certain, c'est que c'est un amoureux des lettres. Il fait partie, vous savez, de ces personnages extraordinaires du grand siècle qui vivaient dans la prose et dans les vers. Dès l'âge de 18 ans, il va composer avec son frère une parodie de l'Énéide, qui s'appelle l'Énéide burlesque. On est comme ça dans un goût de l'esprit, de la création. Il a fait des études littéraires du reste au collège de Beauvais à Paris. Il est quand même issu d'une bonne famille, Perrault, hein, il faut le dire. Il est le dernier d'une famille de 7 enfants, on va dire tout à fait cossu. Il dit lui-même qu'il était très bon à l'école et que d'ailleurs, il dit « j'aimais autant les jours où on y allait que les jours de congé ». Il devait avoir un petit côté faillot comme ça, un petit côté premier de la classe, je le vois assez bien. Il était avocat, il va s'ennuyer assez vite dans la carrière juridique, il faut le dire, et très vite, grâce à son frère qui est receveur général des finances, il va entrer au service de Colbert. Ça, pour lui, c'est la chance incroyable. Colbert, grand ministre de Louis XIV, notamment surintendant des bâtiments du roi, et ça, ça va jouer un rôle très important. On va voir Perrault, Charles Perrault, devenir le bras droit de Colbert pour tout ce qui concerne les résidences royales, etc. C'est lui qui va donner l'idée de la colonnade du Louvre pour remplacer le projet du Bernin, qui ne sera pas réalisé. Et à qui confie-t-on la réalisation de la dite colonnade? Oh, ben, comme par hasard, à Claude Perrault, dites donc, à son frère. On travaille en famille, évidemment, chez les Perrault, vous l'aurez compris depuis le début de cette émission. Il a une véritable influence sur Colbert, ce Charles Perrault. Hein. Il est très présent. Il a une grande influence sur l'évolution de l'Académie française également. C'est lui qui va créer les jetons de présence, qui a l'idée de rendre public les séances de réception avec les grands discours, etc., que nous avons toujours aujourd'hui. C'est Charles Perrault qui les crée. C'est lui qui a l'idée également de rédiger la préface d'un dictionnaire de l'Académie. Donc, il va donner à l'Académie la mission qui sera la sienne. Il a un rôle tout à fait important à l'Académie. Et puis surtout, et je m'en voudrais d'achever cette évocation rapide de Charles Perrault sans l'avoir dit, il est l'homme de la querelle des anciens et des modernes. Alors, ça nous rappelle nos années de lycée. J'en vois qui, là, doivent se mettre à souffler, dire « Ah, qu'est-ce que c'est que cette querelle ?» Mais c'est fondamental. Vous savez, au XVIIe siècle, on atteint, dans tous les domaines, architecture, peinture, sculpture, on atteint un niveau tout à fait extraordinaire. Mais c'est le cas dans les lettres aussi. Et dans les lettres, la question est de savoir si l'on doit s'inspirer de l'Antiquité, si l'on doit essayer tout simplement de faire aussi bien que les Grecs et les Romains, ou si l'on doit considérer qu'on est soi-même, que l'époque moderne, le règne de Louis XIV, est le modèle du grand, du beau et du bien. Eh bien, Perrault, lui, a d'emblée choisi son camp. Il est ce qu'on appelle un moderne, c'est-à-dire qu'à son avis, le siècle de Louis XIV est d'emblée à un niveau supérieur à tout ce qui s'est fait dans le passé. Évidemment, il y a beaucoup de barbons, si je puis dire, qui vont pas être d'accord, qui seront les anciens et qui vont se battre contre lui. C'est une querelle qui aura des répercussions très importantes, qui essaimera bien au-delà de la France et que l'on retrouvera jusqu'au XIXe siècle hein, dans toute l'Europe. Donc ça a joué un rôle très important. Alors je vous ai pas parlé quand même, j'aurais quand même dû vous dire qu'il va épouser en 1671 une toute jeune fille, Marie Guichon. Ils vont avoir 4 enfants. Elle meurt en 1678 et c'est à peu près le moment, vous savez, Colbert quitte ce monde en 1683. Ce début des années 80, c'est le moment où Perrault va se mettre en retrait, où il se consacre véritablement à la littérature. J'allais me loger, dit-il, en ma maison du faubourg Saint-Jacques qui était proche des collèges, me donnait une grande facilité d'y envoyer mes enfants, ayant toujours estimé qu'il valait mieux que des enfants vinssent coucher à la maison de leur père, quand cela peut se faire commodément, que de les mettre pensionnaires dans un collège où les mœurs ne sont pas en si grande sûreté. Je leur donnais un précepteur, et moi-même, j'avais soin de veiller sur leurs études. Peut-être en leur fournissant des canevas de contes. Bonjour Pierre Baron, vous êtes venu nous présenter ce numéro d'Historia qui est un véritable numéro de Noël. Hein. Il est doré, j'allais dire comme un marron glacé. Il était une fois les contes de fées, ce qu'ils racontent de leur époque. Vous nous parlez non seulement des contes de Perrault, mais de tous les contes dans tous les pays, avec une résonance historique assez étonnante. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Sur Europe 1, c'était un extrait de la bande originale de Podane, film de Jacques Demic, musique composée par Michel Legrand. Vous nous parlez, Franck Ferrand, aujourd'hui dans Au cœur de l'histoire des contes de fées, avec votre invité Pierre Baron, directeur de la rédaction du magazine Historia, avec en kiosque dès aujourd'hui le dernier numéro d'Historia et un dossier. Il était une fois les contes de fées, ce qu'ils racontent de leur époque. Oui, très joli dossier, on est replongé dans le merveilleux de notre enfance. J'étais l'autre jour dans le rayon d'une grande librairie pour chercher des livres pour mes neveux et nièces. Bon. Et j'ai été frappé de voir à quel point le chat botté, le petit chaperon rouge, etc. sont sur la couverture, mais j'allais dire d'un livre sur deux. Hein. C'est tout à fait extraordinaire. Ce sont des contes qui demeurent encore très vivants, très vivaces de nos jours, Pierre Baron. Oui, il demeure effectivement très vivace et puis il y a toujours une actualité. On a La Belle et la Bête qui a été, si j'ose dire, remis au goût du jour. Non, là c'est Grimm. Là. C'est Grimm, mais ça reste un conte de fées tout de même. On a également en février, si ma mémoire est bonne. C'est Madame le Prince de Beaumont, d'ailleurs, je suis en train de penser d'un seul coup. Parce oui, que, oui, mais hein, revu et corrigé. Voilà. On aura, je crois, au mois de février, une version cinématographique de La Belle et la Bête. Qui a été réalisé par le réalisateur de la Bête de Gévaudan. C'est un partenariat européen, d'ailleurs. Tout à fait. Donc ça prouve qu'il y a toujours une actualité de ces contes. Ils sont vraiment éternels. Alors, ces contes, et c'est ce qui est très intéressant d'un point de vue historique, parce qu'après tout, nous sommes dans une émission d'histoire et vous faites un magazine d'histoire, Historia. C'est ce qu'ils nous apprennent sur leur époque, bien entendu, et surtout l'imaginaire dont ils sont issus. Prenons par exemple le cas du Petit Chaperon Rouge, qui est peut-être le conte le plus célèbre. C'est pas tout à fait un hasard si le personnage principal est un loup. D'ailleurs, il est bien illustré hein, là dans l'Historia. On a ce loup qui s'est couché avec le bonnet et les lunettes de la mère Grand. Oui. Image d'Épinal, en fait. À Versailles, il y a le roi Soleil. Et dans les campagnes et les forêts de France, mais surtout d'Europe, il y a un autre roi. Il y a le roi de l'ombre. Et c'est le loup. Et le loup est un tueur en série redoutable. À l'époque où s'écrivent ces contes, on atteint un pic d'assassinat colossal, la fin du XVIIe siècle, les années 1690. On a essentiellement chez les femmes et les enfants en bas âge, 4-5 ans, ça représente plus des deux tiers des victimes. C'est une hécatombe au quotidien. Ça terrorise complètement les campagnes. Et il faut pas croire que Versailles n'a pas peur. Oui. On retrouve des traces de tuerie à Marcoussis, oui. qui est à 25 km au sud de Paris. La cour a peur. La cour n'est pas en sécurité. On a vu d'ailleurs l'autre jour que le fils de Louis XIV, Monseigneur, le Grand Dauphin, s'était fait une spécialité de la chasse au loup, hein, qu'il y a passé toute sa vie, littéralement. C'était sa passion. C'était une passion un peu vaine, parce que les battus succédaient aux battus, mais sans grand résultat, et pour plusieurs raisons. D'abord, il y avait une famine épouvantable à cette époque, dans le royaume de France, en tout cas pour rester du côté français. Il y avait une épidémie de typhoïde, n'oublions pas, je sais, on s'éloigne des contes de fées, c'est un peu sordide, mais enfin, 1,5 million de morts, je suis désolé. Et là-dessus, bien sûr, dans des conditions d'hygiène, de famine épouvantable, se greffe ce tueur en série, qu'est le loup, avec deux catégories de loups. Celui qui est anthropophage, donc il va vraiment dévorer les gens, et celui qui va les attaquer de façon mortelle avec la rage ou pas, et qui finira par les tuer de façon indirecte. Tout ça, Perrault ne peut pas ne pas en être imprégné parce que c'est vraiment une terreur au quotidien. Alors ces ravages du loup, on les retrouve non seulement dans le Petit Chaperon Rouge, pardon, mais aussi bien entendu dans d'autres contes. Je pense le petit pousset par exemple, bon, etc. Avec ou sans caillou, oui. Alors là, je feuillette le magazine et je tombe sur le chat botté en héritier. C'est le titre de l'article de Laurent Vissière. Pourquoi l'héritier? Parce que le chat botté, lui, met l'accent sur un autre fait social hyper important. C'est celui du droit d'aînesse et l'inégalité du droit d'aînesse. Puisqu'évidemment, pour faire court, l'aîné dans les familles d'Ancien Régime se taillait la part du lion. Qu'est-ce qui se passe dans le Chaboté, si ma mémoire sont bonnes? Ils sont trois frères. Le premier, de mémoire, a une belle part, le deuxième, part moindre, et le troisième a le chat, qui va censé tuer les souris, n'est-ce pas? Eh bien, c'est l'illustration complète de génération et de génération, de difficultés, de déchirures familiales, parce que bien évidemment, et ça ne concerne pas que les querelles dynastiques, dans toutes les familles, se posait le problème de la répartition des enfants, des garçons. Alors attention, il fallait avoir des enfants. C'est ça qui était compliqué. L'assurance vieillesse ou l'Ancien Régime, c'était des garçons, si possible, arrivés à l'âge adulte. Je vous rappelle qu'au Moyen-Âge, même pas un enfant sur deux atteignait l'âge de 20 ans, hein, c'est pour situer. Donc il en fallait beaucoup pour avoir une chance qu'un certain nombre puisse être adulte. Le revers de la médaille, Franck, c'est que quand vous aviez beaucoup d'enfants, mais vous aviez un partage du patrimoine. Évidemment, ça vous assurait vos vieux jours quand vous pouviez plus travailler. Mais il fallait bien répartir les biens de la famille avec les difficultés inhérentes à « c'est à toi, c'est à moi ». Le 21e siècle n'est pas exempt non plus de querelles d'héritage. Alors, il y a un personnage fabuleux dans les contes. On a les ogres, bien entendu, les fées. Il y a le prince charmant, bien entendu, qui... souvent, l'héroïne du conte est une jeune fille. Hein, très souvent, pas toujours, mais très souvent. Très souvent. Et alors, le prince charmant, lui, évidemment, il a un prototype. C'est Riquet à la Houppe. Ah oui, par exemple. Oui. Lui, c'est l'homme idéal, Riquet à la Houppe. Alors, pourquoi c'est l'homme idéal? Parce que il a été conçu, si j'ose dire, créé, pour incarner toutes les vertus idéales du chevalier galant, servant. Il doit être absolument parfait. Dans un amour dénué de toute sensualité, c'est un amour purement spirituel, exalté, très aristocratique, et qui, il ne faut pas l'oublier, est un genre très féminin. Donc l'homme est un peu dématérialisé, si vous voyez ce que je veux dire. Le désir masculin n'apparaît pas. On crée une carte du tendre. Très courtois, tout ça. Très courtois. On crée une carte du tendre, mais... croyez-moi, on navigue bien canalisé. On le retrouve aussi, ce prince charmant, dans La Belle au bois dormant, bien entendu. Sûr. Avec d'ailleurs cette thématique du sort, qu'on retrouve dans toute... Là, ça remonte très loin d'ailleurs, ça. Hein. Ça remonte loin et ça va bien au-delà de la France. Oui. Parce que ça, ce sont des origines qu'on va puiser dans les pays germaniques et scandinaves. Cette notion de La Belle au bois dormant, souvent piquée par une épine, soit d'eau rose ou autre... Ou un fuseau, la pointe d'un fuseau. Enfin, ouais, une épine. Quelle que soit l'origine de l'épine, hein. C'est tout à fait symbolique. C'est-à-dire que vous avez une jeune fille, symboliquement, qui tant qu'elle reste dans le sommeil, reste pure, tentante, mais pure, puisqu'elle est endormie, et qui, dès l'instant où le prince charmant l'embrasse, par ce baiser, devient une femme. Donc c'est vraiment un passage initiatique. Oui. C'est intéressant parce que là on n'est plus très loin de la psychanalyse finalement. Ça n'est pas un hasard si les contes de fées ont intéressé Bruno Bettelheim, bien entendu. On va parler tout à l'heure aussi de Vassili Prop, de la structure du conte. C'est un des grands ouvrages du XXe siècle sur la nature même de la narration. Ça nous intéresse beaucoup, nous qui passons notre vie à raconter l'histoire et des histoires, bien entendu. Avant ça, on va parler d'un dernier prince charmant, si je puis dire, parce que de Charles Perrault, j'aimerais qu'on passe à d'autres auteurs de contes, notamment à Grimm, il faut qu'on dise un mot d'Andersen aussi, etc. Ce que sont devenus les contes, il faut peut-être parler aussi un peu des contes philosophiques. Vous voyez que le sujet va nous entraîner dans bien des développements. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Quand on prie la bonne étoile, la faible secousse son voile, et vient t'accorder ce Bonne étoile, interprétée par Nolwenn Leroy, un extrait de... Je sens que de... vous pourriez chanter mais ça, Céline. Vous étiez en playback, là, je le dis pour les auditeurs qui n'ont pas l'image. C'était moi, ce n'était pas Nolwenn Leroy. Un extrait de l'album We Love Disney, repris de la bande originale de Pinocchio. Nous sommes au cœur de l'histoire des contes de fées, avec vous, Franck Ferrand, et avec votre invité Pierre Baron, directeur de la rédaction du magazine Historia, qui consacre ce mois-ci un dossier. Il était une fois les contes de fées, ce qu'ils racontent de leur époque. Il était une fois, c'est d'ailleurs cette formule formule évidemment propitiatoire s'il en fut jamais, qui est dans sur chaque que vous avez installé sur chaque gravure, sur chaque image d'Épinal, pour raconter, pour résumer le conte dont il est question au cas où les lecteurs ne connaîtraient pas le conte. Même à l'heure du numérique, on s'est dit que c'était plus prudent. Oui, ça pouvait être utile quand même. Alors passons peut-être à d'autres grands auteurs. Évidemment, les Grimm. Alors, on a parlé des contes de Grimm à ce même micro il y a quelques mois. Revenons peut-être sur le plus célèbre de tous, c'est Blanche-Neige, bien entendu. Oui, alors Blanche-Neige avec un autre fléau qui est dénoncé là, c'est celui de la famille recomposée d'une certaine manière. C'est-à-dire celui, c'était fréquent. Problème de la belle-mère, quoi. Hein. Oui, pourquoi? Parce que les femmes mouraient en couche très fréquemment et du coup, le monsieur se remariait et que ça posait des problèmes énormes pour les enfants. Parce qu'il y avait des tensions très difficiles dans la famille et des jalousies entre la marâtre, la belle-mère et le ou les enfants. Et Blanche-Neige, c'est typiquement ça. Mais du côté des Grimm, ça va puiser dans des racines germaniques différentes. C'est-à-dire que il y a un fond de vérité historique dans Blanche-Neige. On pense qu'elle a vraiment existé, qu'elle était la fille du comte Philippe IV de Waldeck, qu'elle s'appelait Margaretha de Waldeck. Elle aurait vécu dans une région que les historiens, notamment allemands, les régionalistes, situent en Basse-Saxe, avec une région avec les Sept Monts. Alors les Sept Monts, les Sept Nains, etc. Il se trouve là, depuis le XVIe siècle, une mine de houille où les Sept Nains auraient travaillé. Ou tout au moins l'inspiration réelle de cette histoire-là. On retrouve aussi l'idée du cercueil de verre, parce qu'on trouve une verrerie dans la région. Et le grand amoureux de Blanche-Neige serait le comte Egmont, qui est assez connu des gens un peu lettrés, puisqu'on le retrouve chez Goethe, notamment. Et grande figure littéraire, tout de même, absolument. Et que ce comte Egmont, lui, aurait été l'amoureux transi, en vérité, nous sommes là au XVIe siècle, de Margaretha de Balbec, alias la vraie Blanche-Neige. Donc là, ça n'est plus du conte, c'est la transposition magique d'une histoire réelle, nous dites-vous. Avec derrière, Franck, pardonnez-moi, toujours cette notion de grande pureté. Elle est blanche parce qu'au départ, l'effet Grimm l'avait faite de peau très laiteuse, blonde, avec une peau de lait. Et puis ensuite, ils se sont ravisés et ils se sont dit que dans la lumière, il y avait trois composantes, le noir, le rouge et le blanc. Le blanc serait la peau, le rouge serait ses lèvres, et il fallait donc qu'elle soit brune. Mais au départ, elle avait les cheveux couleur soleil. Alors, on peut se demander à qui étaient destinés ces contes. Évidemment, aujourd'hui, ils sont essentiellement destinés à endormir les enfants, si je puis dire, ou à les calmer. Mais on peut penser que le public visé initialement est un public adulte. Et d'ailleurs, vous posez la question dans le magazine à Isabelle Desvart, qui est docteur en histoire à l'université Paris-Sorbonne, et qui répond « Dans les sociétés rurales, les contes sont destinés en premier lieu aux adultes. Mais les enfants, dit-elle, peuvent aussi les entendre et de là en tirer des enseignements. À la cour et dans les milieux nobiliaires, les contes de Perrault, au même titre que les fables de Jean de La Fontaine et celles de François de Salignac de Motte Fénelon, sont également lus aux enfants et les moralités placées à la fin de chaque récit contribuent à leur édification. En ce sens, ces courts récits ludiques et didactiques s'intègrent à l'éducation des jeunes enfants de la haute société. » On peut dire donc que le public visé, c'est tout public. C'est tout public parce qu'initialement, Franck, c'était tout public. Deux, trois siècles auparavant, c'est-à-dire avant que les livres n'apparaissent, les compilations d'histoire n'apparaissent, c'est-à-dire fin 16e, début 17e. Vous l'avez dit vous-même, c'est deux siècles de tradition, de récits à la veillée. Par définition, à la veillée, dans les villages et ailleurs, il y avait toutes les générations. Je précise que les adultes aiment autant que les enfants se faire peur. Oui. Et les histoires de loups font peur aux adultes comme ils font peur aux enfants, c'est une constante. Faut pas croire que c'est l'apanage des enfants d'aimer avoir peur. Et puis il y a des formules, il y a des figures de style, il y a des ritournelles, il y a des mots qui reviennent, des phrases, etc. Ça c'est tout un art, c'est l'art du conteur pour lequel j'ai en ce qui me concerne une vraie fascination. J'adore, vous savez, ces conteurs folkloriques comme on les appelle malheureusement aujourd'hui, parce qu'entre nous soit dit, ils sont plutôt traditionnels que folkloriques. Ces conteurs qui sont capables de vous reprendre les vieilles légendes de nos campagnes et qui vous les racontent en prenant tout le soin, en prenant leur temps, en mettant... En, en installant une sorte de suspense ritualisé, en quelque sorte. C'est fascinant, ça. Vassili Prop, j'en parlais, hein, oui, ce grand structuraliste russe, a beaucoup travaillé sur la structure du conte, alors lui, en l'occurrence, du conte russe, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi une des grandes très spécialités de la littérature russe, hein, qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans, dans les opéras de Moussorgski, etc. Les comptines, les contes, etc. Ça fait vraiment partie du patrimoine russe. Et puis, évidemment, avec les différents niveaux de lecture pour s'adapter à différents types de publics, cette question de ce que cache le conte. Et c'est là qu'on entre dans la psychanalyse. Avec les variantes, Franck. Ah oui. Faut faire attention. Ah oui, les variantes, oui. Parce que ce qui a été compilé, c'est toujours la version noble, digne, pure et exaltée. Si on regarde les variantes, c'est absolument pas ça. Les sept nains, dans plein de versions des contes allemands, sont tous amoureux de Blanche-Neige. Et croyez-moi, pas vraiment d'un amour platonique. La Belle au bois dormant, vous avez au moins une demi-douzaine de traditions, de récits, avant que ce soit écrit comme on le connaît, où la Belle au bois dormant, pardonnez-moi, mais elle a été abusée dans son sommeil par un roi, et elle va donner naissance 9 mois plus tard à 2 jumeaux, et c'est là qu'elle se réveille. Donc on n'est pas exactement dans la pureté waldisienne. C'est pas grave, c'est intéressant parce que c'est des traditions populaires, où d'un endroit à l'autre, d'une époque à l'autre, on a des versions plus ou moins crues, plus ou moins osées de l'histoire. Je dois avouer qu'en ce qui me concerne, étant enfant, bien sûr, j'étais entré dans les contes de Perrault d'abord par la version Disney, et j'ai été très frappé un peu plus tard, lorsque j'ai grandi, de découvrir la véritable version beaucoup de Perrault. Plus cruel, hein. Oh là là là là, ça n'a plus rien à voir. C'est très très très édulcoré chez Walt Disney. Hein, alors c'est... vous parliez des Russes, c'est intéressant parce que ce sont des histoires aussi universelles. Moi j'ai découvert, à l'occasion de ce dossier, qu'il y avait une version de Cendrillon qui raconte exactement la même chose en vietnamien. Et que dans la version vietnamienne, vous vous souvenez que dans Cendrillon, il y a une fée, et cette fée, c'est la protectrice, c'est la fée bienveillante. Eh bien, c'est Bouddha, dans le récit vietnamien, qui protège ce qu'est Cendrillon pour nous. Ça veut dire que ça va bien au-delà d'une culture occidentale. Ce sont des récits quasi universels pour certains. Alors, venons-en à Bruno Bettelheim. Que cachent les contes, en quelque sorte? Et que nous apprend Bettelheim dans la psychanalyse des contes de fées, qui est on peut dire son ouvrage principal? Probablement, Bettelheim avance une hypothèse solide. Il dit que l'enfant se construit à travers le récit des peurs qu'il peut éprouver. L'enfant a peur de l'inconnu et il a peur des adultes, faut jamais l'oublier. L'inconnu, c'est le loup quand on vit à la campagne et dans les bois sous le règne de Louis XIV. Mais l'inconnu, c'est l'adulte, c'est la marâtre et c'est le père vilain, méchant, qui bat ses enfants. Et ça arrive souvent dans les contes ou qui les abandonne. Ça, c'est indispensable à la construction de l'enfant. Mais l'adulte qui raconte les histoires ne peut pas s'émanciper de l'époque dans laquelle elles sont nées. Donc forcément, il y a du présent et de l'atemporel dans les contes. Bettelheim a raison parce que cette peur nous aide à grandir. Mais l'histoire a aussi raison parce que c'est le terreau de ces contes de fées. Oui, bien sûr. Il s'intègre complètement, évidemment, à toute la société dans laquelle ils sont nés. Ah oui, et totalement indissociable. On ne peut pas imaginer Grimm, Andersen, Perrault, sans connaître les époques et les faits de société qu'il raconte. C'est intéressant, Andersen, parce qu'avec Andersen, on entre là dans une autre modernité, et ce ne sont plus tout à fait les mêmes contes. Il y a une dimension, alors là, directement philosophique, héritée du reste de la tradition 18e des contes philosophiques. Bien sûr, parce qu'il y a encore une dimension du conte, qui est celui de la parabole. En fait, comme dans la Bible, je raconte... Une sorte de morale illustrée. Voilà, je raconte une histoire, parce que j'ai quelque chose à dire, mais cette histoire n'est pas celle que je veux raconter. Voilà, c'est le retour de l'enfant prodige dans un troupeau. Et en fait, ce n'est pas du tout ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que je veux raconter. Le conte philosophique, que ce soit Voltaire, Diderot, Montesquieu, vous le retrouvez. Et Andersen est imprégné de cette notion de « n'écoutez pas tellement ce que je dis, écoutez surtout la moralité qui se cache derrière ». Ça qui est intéressant. Il était une fois les contes de fées, ce qu'ils racontent de leur époque. C'est donc le grand dossier d'Historia. Mais comme toujours, il n'y a pas que ça, évidemment, dans ce numéro d'Historia. D'abord, il y a toutes les rubriques habituelles. Préhistoire, les couacs de l'histoire, ça c'est assez drôle. Les origines d'une expression, un peu comme notre retour aux origines, qui arrive d'ailleurs là très très bientôt. Le débat également, vous avez mis face à face, à propos d'ailleurs du conte. Le conte a-t-il une source historique? Et une de vos intervenantes dit oui et l'autre peut-être pas, en quelque sorte. C'est vrai que c'est très intéressant, la dimension universelle ou non du conte. Ça, mais bon, vous en avez dit un mot tout à l'heure. Et puis, vous parlez par ailleurs de l'attentat d'Amiens, etc. Enfin, c'est Historia, quoi. Ouais, Historia éternelle. Et Historia va en profiter juste avant pour dire que ben on va vous souhaiter à vos auditeurs, parce qu'on se revoit pas avant fin janvier nous, ben, d'excellentes fêtes de fin d'année. On va en profiter parce que la tradition on y tient, il y a pas que les contes de fées. Voilà. Merci beaucoup Pierre Baron. Et puis je feuillette et je vois que nous sommes, notre future croisière du printemps est également annoncée déjà, ne perdez pas de temps dans ce numéro d'Historia, donc sur les contes de fées, ce qu'ils racontent de leur époque, avec en couverture une photo filtrée absolument mirifique du château de Neuschwanstein, le château de ce dernier roi à avoir cru aux contes de fées, Louis II de Bavière. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Philippe, qui nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission, qui aimerait savoir depuis quand nous échangeons des cadeaux le soir de Noël. Alors ça, c'est une question relativement complexe, cher Philippe. Pour tout vous dire, la tradition, la véritable tradition, elle est en Alsace, elle est dans l'Est. Hein. C'est le 6 décembre, donc c'est déjà passé. Hein. C'était la Saint-Nicolas. On était à Lyon, nous, le jour de la Saint-Nicolas. Donc là, effectivement, il y a cette tradition d'offrir des cadeaux hein, aux enfants. Ensuite, il y a la tradition des étrennes. Alors les étrennes, c'était plutôt au 1er janvier. D'ailleurs, étrennes, ça vient du latin strenae, donc de la déesse romaine, hein, de la déesse latine de la santé, strena, qui était célébrée le 1er janvier. Et à cette occasion, pour se souhaiter une bonne santé, on se faisait des petits cadeaux. Mais dans la Rome antique, c'était surtout des plantes porte-bonheur, des petits... Alors les plantes, elles pouvaient être en or, évidemment, voire en diamant. Hein, bien entendu, vous imaginez, vous connaissez les Romains. Mais enfin, globalement, c'était a priori des petits cadeaux. Et puis ça s'est généralisé, ces étrennes. Je vous parle pas des changements de date du début de l'année, etc. On a déjà eu l'occasion d'ailleurs d'évoquer ça. Au 18e ou 19e siècle, on s'offre des étrennes. Ça oui, c'est devenu vraiment une tradition. Et c'est vrai que peu à peu, on va dire que entre d'un côté la Saint-Nicolas le 6 décembre et de l'autre les étrennes le 31, eh bien, on s'est rapproché de Noël. Et la tradition est venue au 19e siècle d'offrir aux enfants... Alors au départ, c'était pas des cadeaux au sens propre, c'était, vous savez, ce qu'on offrait, c'était souvent des oranges, des chocolats, des crayons de couleur, c'est vraiment des petites choses comme ça, et puis souvent des choses à manger, des pâtes de fruits, c'était très simple. Et puis petit à petit, je me permets de vous rappeler, j'ai presque l'impression de finir chacune de ces chroniques de la même façon, mais enfin voilà, nous vivons dans une société de consommation, dans une société commerciale, et petit à petit, eh bien, on s'est mis à offrir des jouets, alors que ça, c'est de années 1900, c'est après la Première Guerre mondiale, hein, surtout, des jouets de plus en plus importants, de plus en plus nombreux, etc. Alors, avec quand même, et ça je me rappelle que Jean-Pierre Guénaud était venu nous en parler l'année dernière, c'est assez amusant, une distinction très nette entre d'un côté les familles catholiques traditionnelles, où c'était l'enfant Jésus qui était censé apporter, après la messe de minuit, les cadeaux aux enfants, et puis les familles plus laïques, on va dire, voire pour certaines anticléricales, qui mettaient le Père Noël en avant. Et vous savez que on est allé jusqu'à brûler le Père Noël sur la place de Dijon, encore dans les années 1950, hein, parce que c'était considéré comme hérétique d'une certaine manière. Bon, donc cette tradition qui consiste aujourd'hui à s'offrir, même entre adultes, des cadeaux à Noël, alors là elle est vraiment très récente, je ne peux pas la dater exactement, mais je dirais qu'elle date des 30 ou 40 dernières années seulement. Donc ce n'est même pas une tradition, on va dire que c'est une habitude très récente. Bonjour, Elena Morna, vous êtes notre cadeau à nous. Oh, bah ça, c'est trop sympa. Mais vous parliez des crayons de couleur, comme je sais que vous êtes resté un enfant. Voici un vert. Oh, merci. Et puis en voici un rouge. Oui. Je ne suis pas daltonien, voilà. C'est ça le sujet? Non, c'est pas ça le sujet. Non, on va parler de quelque chose qui vous concerne tous. Nous allons parler de vos voitures et de vos motos. L'objectif des experts européens aujourd'hui, c'est de réduire justement votre budget voiture et de roues, car vous êtes de plus en plus nombreux en France à rouler à moto ou à scooter. Hein, 4 millions de deux ou trois roues qui circulent en France. On fait le point sur l'achat, sur l'entretien, sur l'assurance de vos véhicules. J'attends vos questions au 3921 ou sur europe1.fr. C'est pas moi qui en parlerai, c'est un expert. Vous comprenez bien à la fois. Oh oui, non, mais ça bien sûr, mais j'imagine que vous seriez tout à fait capable de le faire, cela dit. Merci beaucoup, Elena. Nous nous retrouvons donc demain pour parler de la Révolution française, Céline. À demain, Franck. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.